Chargé de recherche au CNRS, Daniel Boursier, responsable de l'unité associée droit informatique linguistique, définit en quatre points la notion de tranquillité publique. C'est une notion qui se définit au niveau local, c'est une notion jurisprudentielle, ce n'est pas une mesure quantitative. Enfin, elle intervient dans un faisceau de finalités contraires et d'intérêts divergents. Daniel Boursier. Alors disons, le premier point, donc, ça se définit au niveau local. Moi, j'avais été un petit peu en contact avec des gens de la mairie de Grenoble et je m'étais aperçu en fait que à peu près 87% des plaintes étaient déposées en mairie. Donc ça veut dire que les gens se retournent vers l'autorité locale pour penser ce problème de bruit. Alors j'ai un deuxième argument pour vous dire que c'est un problème qui se définit au niveau local. Il y a un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris. Le premier que j'ai trouvé, c'est du 20 mai 1835 et il portait sur l'interdiction de tirer des pétards, fusées et armes à feu. Un troisième argument, j'ai interrogé la jurisprudence du Conseil d'État, à partir d'ailleurs d'une banque de données, et sur des concepts du type ordre public, environnement, etc. Donc on s'aperçoit qu'au fond, la notion de tranquillité publique, là aussi, elle a toujours été définie au niveau local, y compris par le juge. C'est-à-dire le juge utilise des affaires donc de police pour redéfinir la notion de tranquillité publique. Mais dans d'autres domaines du droit, elle n'apparaît pas. Bien sûr, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que les derniers textes ne sont pas exactement des textes qui permettraient au maire d'avoir un pouvoir énorme en matière de tranquillité publique. Finalement, il n'a plus de pouvoir pratiquement que dans les cafés, les lieux publics, les marchés, enfin les places, bon, et de jour. Alors, la deuxième idée que je voulais vous donner sur la tranquillité publique, c'est une notion quand même, bien qu'il y ait des textes, des arrêtés municipaux qui la définissent, enfin qui l'instancient, si vous voulez, par rapport à des problèmes précis, elle a en fait été développée par la jurisprudence. Mais on s'aperçoit aussi qu'au fur et à mesure de cette jurisprudence, la notion de tranquillité publique, elle va jusqu'à la tranquillité au niveau moral. Et on a, par exemple, vers les années à peu près 1930-35, on a la notion, par exemple, de tranquillité publique qui émerge dans les affaires de projection cinématographique. On invoque la tranquillité publique pour interdire des projections de films. Alors, vous voyez, la notion de moralité commence à intervenir. Et puis, on continue, donc, c'est 1968 qui me paraît être une date fondamentale. De quoi s'agissait-il? C'était quelqu'un qui demandait au maire de faire respecter un arrêté concernant l'heure de sortie des poubelles la nuit. Le maire disait, mais bon, il y a un arrêté, mais au fond, pourquoi l'appliquer, etc. Finalement, M. Jardin a introduit un recours en carence du maire, et finalement, il a gagné. Donc, si vous voulez, cette idée que, au fond, maintenant, ça serait plutôt le citoyen qui pourrait exiger de ses propres autorités politiques, juridiques, d'appliquer les textes. Et vous voyez que là, donc 68, c'est, je pense, un arrêt important dans, si vous voulez, dans l'évolution de cette conscience de la tranquillité publique. Vous savez aussi que quand même, le maire peut être condamné pour faute lourde s'il n'intervient pas dans un problème de tranquillité publique. Hein. C'est-à-dire que si la carence est constituée, eh bien, c'est la commune qui pourra être obligée de verser des indemnités. Et là, si vous voyez, ça peut quand même être un moyen de pression important. Bon, autre date importante, c'est 1977, avec l'arrêt Ville de Menton, puisque là, la ville a établi une réglementation sur la création d'une zone de silence à l'intérieur de la ville. Donc vous voyez qu'on est loin des sonneries de cloches, de clairons, et on est là dans une autre perspective, qui est que le maire prend l'initiative de favoriser un environnement, de créer, si vous voulez, la tranquillité publique. Il n'intervient pas en négatif, mais en positif. Bon, un troisième point maintenant, la tranquillité publique n'est pas une mesure quantitative. Cette agression sonore garde fondamentalement un caractère d'appréciation qui peut rentrer dans le travail de l'expert, mais qui rentre aussi dans l'appréciation que doit donner le juge à un moment donné d'une définition de la tranquillité publique. Alors, un premier arrêt, si je puis dire, à contrario, c'est l'arrêt du tribunal administratif de Limoges de 1974. C'était la SPA qui avait intenté donc ce recours, SPA de Corrèze. On a considéré que le maire avait pu faire une injonction à la SPA d'arrêter la gêne produite, si vous voulez, par les aboiements de chiens. Et ça, c'est dans l'arrêt, bien que les nuisances soient complètement en dessous de l'intensité maximale qui était dans les règlements sanitaires à cette époque. Donc, si vous voulez, là, on voit typiquement que le juge, et même il l'exprime, hein, il ne refoule pas du tout cette indépendance, il dit, voilà, bon, moi, j'estime qu'il y avait une intensité sonore grave, bien que les mesures montreraient, en fait, qu'elle n'est pas dépassée. Finalement, ce qui est condamnable, en fait, c'est pas le bruit, hein, je crois qu'il faut bien le préciser, c'est la gêne procurée par le bruit. Mais le problème, c'est que la gêne, qu'est-ce que c'est, hein? Autant les mesures techniques permettent de dire ce que c'est qu'un bruit élevé, une fréquence, etc. Mais aucune mesure technique n'est capable de définir ce que c'est qu'une gêne. C'est pour ça qu'il faut, là-dessus, ne pas attendre trop, je pense, des mesures techniques, puisque la gêne, à mon avis, c'est pas uniquement technique. Alors, dernier point concernant la tranquillité publique. Bon, muni un petit peu de ces quelques réflexions sur la jurisprudence, en fait, on s'aperçoit que ce qu'il faut introduire dans cette notion, eh bien, c'est l'idée qu'on est au croisement de plusieurs finalités et d'intérêts qui sont contradictoires. Alors, là aussi, on a essayé d'être un peu méthodique dans notre approche de la jurisprudence. On a tout simplement fait une sorte d'analyse factorielle sur les différents concepts qui étaient à l'œuvre dans la jurisprudence depuis à peu près 50 ans. Et alors, on s'est aperçu qu'au fond, la tranquillité publique était presque toujours liée à la notion de liberté. Et cela beaucoup plus que les autres standards comme l'ordre public ou la salubrité ou la sécurité. On a seulement voulu montrer qu'on ne pouvait réussir à cerner cette notion de tranquillité publique et cette notion de gêne sonore qu'en recherchant les différents types de raisonnement autour de finalités ou d'intérêts divergents qui pouvaient exister. On trouve d'ailleurs plusieurs cas de figure. Vous avez les intérêts particuliers divergents. C'est par exemple une exploitation industrielle près d'un terrain de camping. Vous avez le conflit entre intérêt particulier et intérêt général. Bon, c'est l'exemple des autoroutes. Et puis aussi, il y a les intérêts généraux entre eux qui peuvent rentrer en conflit. Notre objectif, c'était d'essayer de voir quels étaient les raisonnements qui étaient derrière et les standards qui pouvaient équilibrer et conduire à relativiser cette notion de gêne. En guise de conclusion, Daniel Boursier rappelle que depuis le début du siècle, l'action du maire a évolué de trois façons différentes en matière de tranquillité publique. Première phase, c'est l'interdiction pure et simple. Deuxième phase, il réglemente, c'est-à-dire qu'il organise l'activité, et donc la gêne, de façon à ce qu'elle respecte le maximum d'intérêts contradictoires. Troisième phase enfin, il envisage plutôt des mesures globales que ponctuelles. Ce sont les zones de silence, les zones protégées, qui deviennent courantes en matière d'environnement.